Heures d'hiver par Marguerite Burnat Provin. Poèmes en prose. Aux âmes frileuses. Hiver, te voici tout blanc, couché en travers des épaules de la montagne, sculptée dans le ciel. Tes longs cheveux de glace pendent sur les rocs, et tes bras de marbre étouffent la terre où les germes se taisent. Mais ce n'est pas seulement sur les monts et dans les abîmes que règne ton accablement. Il couvre les sommets de mes rêves, il se fige au repli de mon être, et je demeure dans l'attente, car rien ne se lit sous tes paupières inertes, dans tes yeux fermés. Au fond de ta poitrine géante, il n'y a point de cœur, c'est une caverne vide, traversée par un souffle mortel, et tu respires sans que tes flancs se soulèvent pour jeter en nous la fièvre et les frissons. Écoute, mes lèvres sont bleues, et mon front s'alourdit. Je veux crier pour tant que je te hais, parce que tu as pris mon amant à la gorge, le bel automne fauve et rieur qui a noyé mon âme dans son baiser. Qu'as-tu fait de sa dépouille et du royal manteau qu'il étendait sous mon sommeil? À la place où s'abritait notre ivresse, je n'ai plus trouvé les noyaux bruns des fruits présents de ses mains amoureuses. Ta neige les a cachés. Sous les taillis où vibrait sa voix chaude, tu engourdis pour tuer, et c'est le silence, le pesant linceul des heures mortes, couché là. Oh, quand je pleurerais à épuiser ma vie, quand j'ensanglanterais mes mains sur le sol, témoin d'un bonheur perdu, quand j'emplirais de mon râle ce vallon où vécurent des enchantements, tout serait inutile. Ton haleine froide entre dans mon sein et raidit mes artères. J'attendrai. J'attendrai que le printemps me venge. Il dort sous la ruine, mais il se lèvera, il ouvrira ses yeux en fleurs bleues, et quand tu le verras debout étirer ses bras jeunes et secouer sa tête blonde, alors, hiver, tu trembleras. Car, avec un rire qui remplit les vallées, il escaladera les cimes, il atteindra ton refuge escarpé, ses mains rayonnantes briseront ta statue, et du haut en bas des montagnes, ses débris rouleront en éclats. Quand le soleil en aura fondu jusqu'au dernier vestige, je me sentirai délivré. Tu seras mort à ton tour, bourreau qui garrote la vie, étrangleur des voix qui chantaient. 7 heures. Une journée d'hiver a passé. Un écheveau de laine blanche tourne sur un dévidoir de nacre, dans une chambre lointaine aux rideaux de mousseline, tandis que sonne un carillon d'argent, tandis que des doigts clairs frappent d'un petit maillet un harmonica de verre. Qui demeure là? Une aïeule en bonnet de dentelle, une jeune fille aux mains nues attendant l'anneau? Non pas. Les fées du souvenir. Elles recueillent les flocons qui choient du passé dans le moment, et leurs bras tendus se remplissent et ploient. Le vent bat comme un cœur. Mais qui fait mouvoir les chevaux sur la nacre du dévidoir? Je ne sais pas. Dans cette maison, quelqu'un rendit l'âme pour avoir cru à la jeunesse fidèle et blonde, et tout s'en va. C'est pourquoi les portes sont closes et les miroirs voilés. Parlez bas. Maintenant, entendez-vous la neige et le silence des pas? Cela ira jusqu'au soir. Et le carillon? Il attend dehors, et puis il prend la main de l'heure et la conduit. Nous marcherons avec lui. Qui parle ainsi avant que le jour se lève? Une femme des Flandres au fond des brumes? Mais je ne sais plus rien de ce pays-là. Aujourd'hui, c'est la montagne qui attend devant ma fenêtre, que la nuit ait rassemblé ses mulets noirs pour s'en aller là-bas, de l'autre côté, par les mauvais chemins de janvier. Et la plaine, où est-elle? Perdue. Alors, que voulez-vous? Dormir ou converser avec les invisibles? Parce que maintenant la vie se recueille. Vous qui êtes vêtus de vert et de rouge, vous savez bien que les coquelicots sont morts et les prés assoupis. Retirez-vous. L'horloge me parle la première et dit « Ces heures que je renferme et dont tu te préoccupes, que sont-elles ? Des femmes. La journée, c'est le défilé de leurs caprices, de leurs mensonges, de leurs cruautés. elles descendent une par une dans ta vie pour y prendre un peu de ta substance, de ta pensée, et l'emporter, sais-je où ? Je ne puis en retenir une seule, et devant elle, tu ne peux reculer. Il faut aller, comme moi, les entendre venir, accepter leur tyrannie, que tu le veuilles ou non, que tu aies les mains pleines ou vides, les yeux ouverts ou fermés. Marche, elle est t'épie, l'une te frappera au visage, l'autre t'enfoncera un clou dans le cœur. Que la troisième t'offre un rameau d'olivier, embrasse-la, serre-la fraternellement, mais sa voisine, aussitôt jalouse, allongera des mains avides pour te harper, et la suivante posera sur ton front un diadème d'angoisse, si lourd qu'il te rompra le cou. Une seule tient une boîte rare qui embaume, elle te la tendra ouverte. Au fond se trouve un petit grain brillant. Si tes doigts peuvent le saisir, prends-le vite, porte-le à tes lèvres. Alors tu sentiras une divine seconde de ravissement. Avec un cri unique, tu retomberas foudroyé, tu auras goûté au bonheur. Mais la plus belle, la plus douce, peut-être, ne la verras-tu pas. C'est celle qui s'agenouille et creuse lentement la fosse du repos. Son visage est tourné vers la terre, elle attend tout au bout de la vie. Quand ton tour viendra, se placera-t-elle à ton chevet ? Sera-t-elle debout sur la route, appuyée contre un arbre des bois, plongée dans l'eau noire d'un étang ? La verras-tu éclairée par le jour ? Sortira-t-elle de la nuit ? Nul ne pourrait le dire. Qu'importe, lorsqu'elle te fera signe, ouvre joyeusement les bras. C'est elle qui fait oublier toutes les autres, qui guérit à jamais leurs blessures, qui ouvre enfin la porte de la prison. Souviens-toi que ceci est un bonheur. Tu dois mourir et tu le sais. Horloge, aie compassion de moi. Pourquoi cette heure libératrice est-elle si loin encore ? Pourquoi me livres-tu à ces forces perverses qui sortent de ton sein ? Elles me font mal à moi-même, réplique l'horloge, et je n'y peux rien. 8 heures. Pendant mon sommeil, une brodeuse est venue. Qui la connaît ? Elle a monté sur le métier carré de la vitre un ouvrage sans prix. N'est-ce pas là le rêve d'art de toute une vie ? Où l'ai-je vue ? À Bruges ? Non pas. Je ne la verrai que là. Et cette femme a pu travailler ainsi dehors, agenouillée sur les 3 rebords de la fenêtre. Avec l'onglet et des doigts transis, elle a tissé toute la vie des astres, toute la vie des mers et celle des forêts et celle des entrailles de la terre. Mais qui la connaît ? Moi, dit une des voix qui me répondent. Elle est vêtue de nacre et brille plus que le poisson sous le flot, plus que les prés verglacés et que le torrent que regarde la lune. C'est Dame gelée aux yeux fixes, qui peint en bleu les têtes de ceux qu'elle surprend, passé minuit, sur les sentiers. De son couteau bien affilé, elle coupe les mains et les visages et rit de voir les hommes gourds courber le dos et cacher leurs poings. Mais ce n'en est pas moins la reine des dentelières, et sans coussin ni courtisane, sans rien demander aux mulquiniers, cette Pénélope blanche qui détruit son œuvre durant le jour assemble au cours de l'hiver une infinité de travaux perdus. Voici que l'inimitable filet se résout en larmes, comme la trame des rêves soigneusement ouvrée. Maintenant, je vois ce qui se passe au dehors. Sous le poids des chars, la route chante. Les corbeaux planent, éployés et noirs, comme les pics d'un jeu de cartes. Ils voguent d'une ruine à l'autre et s'abattent en pluie lourde. Dans la vigne, il y avait tant de gestes qui sont finis, et des mains, des yeux, des lèvres, des âmes, l'amour s'inclinait et disait « Viens, je t'embrasserai ». L'eau coulait par les rigoles bleuies, où semblaient piler des turquoises, et le lézard écoutait. Le froid a étouffé la source. Aujourd'hui, il n'y a plus que le funèbre alphabet des souches qui écrit des choses tristes sur le grand livre blanc. 9 heures. Un ami de mon père possédait d'anciens vers de Bohême où se voyaient des chasses et des paysages qui semblaient gravés dans le gel et serti d'un filet d'eau. J'ai aimé les cerfs d'une incroyable sveltesse, bondissant sur les fougères ténues, le vautrait à la poursuite du sanglier, les piqueurs courant à travers les gaulis et les meutes lancées qui repassaient quand je faisais tourner le verre, où la Seine galopante et immobile était située dans le vague et la transparence d'un rêve. Un jour que la table tomba, cette fragilité précieuse fut brisée, ainsi prit fin la battue de légende. Sous mes yeux, de l'autre côté de la vitre, la campagne est comme dans les coupes, très blanche, mais indécise. La neige vient, enfumée, du lointain. Elle court et tourne et tombe, effeuillant des lys pudiques, arrachant les ailes des papillons candides qui achèvent de mourir en tourbillon. Il y a là-haut combien de mains actives qui dépouillent les cygnes des viviers célestes et déchirent des tulles et réduisent des soies en charpie pour fournir à la terre son habituel manteau. Pourquoi notre âme n'a-t-elle pas sa neige réparatrice qui recouvre les tableaux désolants, en cache les couleurs tragiques sous sa pacifiante uniformité? La neige a-t-elle entendu ma pensée? Tout à coup, elle m'apparaît, caressante, et me dit « Cœur anxieux, pourquoi me méconnais-tu? Que ne suis-je pas? Je suis celle qui revêt. Je suis la laine des brebis du ciel, la laine que les vierges cardent sur des peignes d'argent dans les prairies éternelles. Tu as trop interrogé les étoiles pour n'avoir pas vu la longue file des troupeaux immaculés. À leur tête marche l'agneau dont le sang fait fleurir des roses rouges dans l'hiver des âmes. Cela, tu le sais. Je suis celle qui abreuve, celle qui nourrit. Donne-moi tes mains enfiévrées que je les rafraîchisse. Donne-moi ta bouche et comme unie de mes flocons, je te soutiendrai comme une manne pure, excellemment. Tu ne peux pas veiller toujours, les yeux torréfiés par le brasier des canicules, en regardant planer tes chimères sur les rocs arides des cimes. Sœur des corolles béantes, éperdument offertes au soleil, quitte la tour calcinée où ton espoir se consume et viens. Je n'ai point de parfum que ma candeur lentement te dégrise, je n'ai point de chaleur que mon sein froid te soit comme la pierre sainte où se repose la tête du voyageur. Mes lèvres blanches, fraternelles, te verseront l'oubli des lèvres qui dévorent et des baisers qui tuent. Viens, je t'endormirai. J'ai dit. Ô neige de mon baptême, neige des voiles qui environnaient mon front de 12 ans, ô neige fleur, ô neige hostie, me voici endolorie, prends-moi. Donne-moi ton calme, donne-moi ta pureté, efface, tombe sur ma vie innocente et fraîche, apaise, tombe sur ma fièvre, donne-moi ton silence religieux. Je me tairai comme la source que tu caches, comme les semailles que tu recouvres, comme l'oiseau mort qui ne doit plus chanter. J'écouterai. N'as-tu pas étouffé les accents de la terre pour que j'entende mieux ce qui se dit là-haut, d'où tu viens? Prends-moi, que nul ne me voie, et tu m'ouvriras l'enclos de ton mystère. Ô neige, prends-moi. Et la neige pitoyable m'a emporté vers d'autres sphères. J'ai abandonné mes vêtements pour une tunique de clarté plus légère que le duvet du grèbe, et je monte avec elle vers le calme et la beauté. Des mains diaphanes touchent des harpes de givre, des nuées éclairantes voguent pourtant des âmes qui prient, des vols d'anges traversent l'éternité. Voici les vergers et les troupeaux et l'agneau qui fait naître des roses. La neige me tient embrassée. Ta robe est moite, vois sur le sol maintenant ce qui se lève. Et, de mon cœur, comme du cœur de l'agneau, toute la douleur qui a fui se répand en fleurs sanglantes sur la blancheur du paradis. Des enfants les ont réunis, ils vont les déposer aux pieds de celui qui réside plus haut que la neige, et tout à coup, je crois que mon cœur est guéri. 10 heures. La glace écrasante s'est installée partout, adhérente, cramponnée aux formes qu'elle épouse d'une étreinte morne. On ne voit qu'elle dans les rues, sur les toits. Elle s'appuie de toute sa force, et c'est une fatigue qui pend des gouttières surchargées, qui pèse sur les pierres elles-mêmes. Lisse et dure, elle descend des escaliers, guette les pieds pour les tordre, les jambes pour les briser, contre les pauvres maisons où l'eau s'épanche librement hors des conduites percées, elle gonfle en masses rondes, polies et gluantes comme les méduses que soulève la mer. Où n'a-t-elle pas mis une embûche, une contrariété? Elle, qui ferme les citernes, mastique les fenêtres, pousse contre les portes d'énormes bourrelets. Les pas la craignent, et aussi les épaules, quand on l'entend bouger et pencher son profil coupant au-dessus des corniches d'où se déroulent en mèches torses d'épaisses chevelures. Elle est là, depuis longtemps déjà. À midi, elle va geindre et pleurer. Mais avec la nuit, elle se raffermit, se décide à demeurer, pour bâcler les ruisseaux et faire glisser les petits-enfants. Comme elle est mauvaise, elle bave, empâte les ornières, fait de la route un casse-cou où elle s'étale, grise et salie, à peine fendue par-ci par-là. Et contre les rochers, les cascades, saisies dans leur chute, sont comme des robes accrochées. Ces grands amas prennent des attitudes humaines, de loin je les aperçois qui paraissent sangloter, souffrir et se repentir, la face tournée vers la montagne dans l'épaisseur de leur cagoule. 11 heures. L'horloge bat la mesure pour la marche qu'on n'entend pas. Une grande lumière crue, déployée en nappe d'un jour de noces, des oiseaux qui ne savent plus où manger et qui sentent la misère du monde, mais ne comprennent pas, et les feuilles des lauriers rabattues comme des oreilles d'animaux peureux, car la peur est dans le jardin. Mais où? Sur les sapins, des paquets de plumes, des pans blancs qui cachent leurs têtes et pendent, et les mains des ramilles tendues et frileuses. Que leur donner? Plus rien. Et puis la fuite des chats noirs dans tout ce blanc, et la maison comme une infirme, percluse. Cela va durer, ces jours. C'est moi, ce lourd traîneau à mener jusqu'au pays lointain d'avril. Mais les limoniers en route butent, tombent et meurent parfois. Toutes ces bosses qui soulèvent les champs, ce sont les tombes des artisans de génie qui peignaient des pétales, forgeaient des rayons, enluminaient le beau livre où l'on s'accoude en rêvant, la bouche entr'ouverte et le front battant. Maintenant lisez des lettres, grises à peine, sur le feuillet trop blanc qui aveugle, et les doigts raides pour tourner la page sèche, et des mots ligotés dans des bandelettes comme des momies. À quoi bon? Ô vie, que t'ai-je demandé? Ce n'est pas cette corbeille brune remplie de linge malade, ni ces aiguilles qui mettent des perles rouges au bout des doigts, ni la place étroite à l'angle de la fenêtre d'où je regarde cette grande soie du Japon que tend la neige avec son lavis d'arbre, couleur de cendre. Ce n'est pas cette chaise dure, ce petit banc de bois, et les ciseaux qui luisent comme le ruisseau, et ce plafond sur ma tête, si bas. Réponds, tu n'es pas morte. Pourquoi l'hiver te rend-il féroce et sourde, tassée dans un coin, avec des mains serrées d'avare et des yeux qui ne voient plus? Je prendrai la lanière qui brûle, je te cinglerai au visage, et tu te lèveras. Que t'ai-je demandé? La musique des fleuves qui roulent dans des forêts inaccessibles, des flores jamais vues, le plus fabuleux de tes ciels, le plus vertigineux de tes parfums, et des bêtes câlines aux yeux sauvages pour lécher mes mains, le sable plus doux que la chair d'une femme pour y poser mes pieds, l'air le plus enivrant pour réjouir ma poitrine. Je t'ai demandé ce fruit d'or unique qui vit dans l'éternel jardin. Cela, tu me l'as donné, mais tu me l'as repris, voleuse de bonheur. Où l'as-tu jeté, maintenant que mes dents y sont empreintes et que mes lèvres en connaissent l'inoubliable saveur? Ne fais pas la folle qui dort et n'entends rien, ne grelotte pas sous ta tunique de velours blanc comme le chien qui craint le bâton. Rends-le-moi, te dis-je, ou je te prendrai par la tête et je frapperai contre la pierre, jusqu'à ce que tu craches les mots que je veux, avec ta dernière goutte de sang. Midi. La place est toute blanche, comme un grand camélia. Le soleil caresse la boule d'or qui surmonte le fronton de l'évêché. L'heure vient. Les cloches qui se répondent laissent tomber sur la ville des notes de rubis et de topazes, les notes coloriées de midi qui semblent ébranler d'immenses capucines, et les coques s'égosillent pour ajouter à chacune les grettes sonores où éclatent toutes les pierreries. Les montagnes envoient de longs bourdonnements qui affluent de partout. Ainsi, les colombes tournoyantes se ressemblent lorsque volent les grains vermeils. Un homme siffle. Je me retrouve devant l'horloge astronomique de Nicolas Lipius, dont j'entendis les accords bizarres dans une église étrangère. Sur un globe placé au sommet, Chantecler secoue ses plumes vives, un hallebardier fait le guet autour du campanile, des séraphins frappent en cadence des clochettes argentines, tandis que quatre chérubins potelés agitent leurs courtes ailes. L'un marque la mesure, l'autre élève le sablier symbolique. À mi-hauteur de la tour, l'ange Gabriel, une branche de lys au doigt, annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. Dieu le Père apparaît au-dessus de la Vierge et d'un geste raide la bénit. La grande flèche qui marque les heures fait tourner un masque solaire enflammé que dilate un rire éternel. La ritournelle crépitante jongle avec les battants. Elle ajoute à la vitalité singulière de cet instrument compliqué qui claque, vibre et sonne avec emportement, fait frémir les voûtes et retentir l'édifice et puis, subitement, retombe comme tué dans sa rigidité. Alors, on n'entend plus que le pas métallique et continu du balancier enfermé, pareil à celui d'un homme dédaigneux des scènes bruyantes qui circule et n'y prête point attention. Mais pourquoi suis-je allé si loin? Est-ce pour me rappeler cette heure mécanique, parce qu'elle n'apportait ni émotion, ni déchirement? Je me sentais légère et détachée dans la cathédrale vide. Rien de ma vie ne se reliait à celle des personnages de bois, obéissant après trois siècles à la volonté d'un maître ingénieux, et l'âme de Nicolas Lipius présente encore dans le mouvement de son œuvre. Je ne la connais pas. Oh, combien d'autres midis sont debout dans mon cœur, rangés comme des bouquets de tournesol d'une invulnérable fraîcheur sur l'autel du souvenir. Le midi compagna me prenait dans sa hotte et m'emmenait, discourant par les champs d'orge. Les moissons respiraient et se levaient les têtes curieuses des nielles et des bleuets. La joie dansait en haut des ormeaux et la maison, que je ne dois pas revoir, faisait la coquette au soleil avec toutes ses fenêtres ouvertes, brunes et blanches, comme une fille insouciante, au corset délacé. L'ombre nouait son écharpe bleue aux pieds des noyers. Une force irrésistible s'élançait de la terre et riait parce que les prés étaient fleuris et les vergers inclinés sous les fruits, et je me sentais ferme et droite et vivante comme un épi. Et vous, midi chanteurs et provoquants des clochers d'Italie qui me fermiez les yeux sous vos caresses, midi odorant et recueilli de la chartreuse de Pavie, illuminant les graves fantômes des solitaires disparus, où êtes-vous? Que n'ai-je laissé de moi entre vos mains conquérantes, heures de jeunesse, heures ferventes qui couliez avec l'ardeur du sang? Que ne vous ai-je pas donné? Oh, gardez ce trésor de ma vie, gardez-le dans le reliquaire du passé et que, parfois, je l'ouvre et me penche pour retrouver mon amour embaumé dans de subtils parfums. Et maintenant, voici le grand midi éclatant, si pur sur la montagne, dédaigneuse des témérités, en face des neiges immarcescibles, vierges hautaines aux yeux toujours levés, qui laissent traîner leurs draperies jusqu'à terre, mais ne connaissent pas les hommes. Heure muette qui ne sonne pas, j'ai entendu ton silence. Midi qui te répand et vivifie, irradiant comme un cristal à mille facettes, envoie des milliards de rayons. Midi, des vastes solitudes qui roulent impétueusement ton torrent lumineux et fluide, baignent les plus audacieux sommets, imbibent les vallées et les gouffres, et laissent la nature grisée, prise de vertige, comme l'amante au bras de l'amant vigoureux et blond qui la tire impérieux vers sa bouche. Je te revois, midi, je sens à ma nuque ta pression chaude, tandis que, couché parmi les rochers, je me baignais dans un air ému qui tremblait. Alors je regardais si haut, si loin, les cénotaphes gigantesques des âges engloutis, le tumulte silencieux, la stupeur figée des cimes qui se redressent après avoir subi les outrages de tous les éléments, et nous apparaissent violentés comme ce que flagellent les vagues, ce que tordent les flammes, ce que fracasse l'ouragan. Et je m'écriais, ô beauté, faite à la fois de crainte et d'espérance, terreur de la fin, vision d'un infini renouvellement. Ô ciel très fier, parce que tout ce qui est impur en a été précipité. Ô force émouvante de la vie que l'heure la plus puissante du jour projette en l'exaltant, énergie tendue vers l'ignoré, ouvrez mon âme à vos mystères. Éclairez-la, dites-lui ce que nulle bouche humaine ne saurait proférer. Et puis c'est midi sur la mer, menant ses tritons et ronflant dans les conques enroulées, midi qui sentait le varech et me faisait la peau noire et la bouche salée, midi que j'attendais pieds nus en écrasant des coquilles, en regardant les crabes et les astéries de la grève, midi des barques blanches sur les lacs miroitants, avec le rythme sensuel des rames qui rient et pleurent, et la voix tendre qui murmurait des mots passionnés dans une langue toujours nouvelle. Midi, à travers les lames des persiennes fermées, dans la longueur de la chambre fraîche où les formes s'estompent. Midi des fleurs énervées, des parfums étourdissants, des couleurs qui s'avivent, et la tentation de l'ombre perverse, aux bras ouverts, sous les feuilles immobiles. Midi d'attente et de satiété, qui bercent ou qui rendent fous. Midi de mes regrets frénétiques et de mon cœur dément. Ô lion haletant, tu viens poser lourdement ton mufle fiévreux sur mon épaule pour me saturer de ton odeur fauve et heurter mes flancs du battement terrible de tes flancs, brûlés comme le sable des déserts. Va-t'en. Ce bonheur d'être, cet enlacement de l'âme à la folie des minutes perdues, des étreintes dénouées, l'avoir connu, l'avoir vécu. Et maintenant, marcher avec le jour qui monte, marcher toujours et s'en aller vers les pays qui tuent, se faire assommer par un midi mortel qui abatte son marteau d'or en plein front. Laissez-moi tomber la face sur le sol, dans la neige impassible, y étendre mes mains, y désaltérer ma bouche, longuement. Les cloches se sont tues, une vibration très faible plane encore et s'évanouit. Dans les jardins, les saules font des faisceaux, baguettes dorées de fées au repos. Le ciel est en soie bleu tendre, un merle chante comme en avril, les rues étincelantes sont vides. Toute seule, ici, je vois passer midi, heure d'hiver, en dalmatique d'hermine brodée de l'or roux des feuilles de platane, les platanes où pendent les graines dans leurs bogues, comme des oursins, et qui m'appellent de leurs bras gris. Contre l'un d'eux je m'appuie, et l'arbre, avec la voix prenante ignorée des humains, me dit « À quoi rêves-tu ? » Je rêve à ce qui vit sous mes yeux, et je le compare au déroulement intérieur d'un tableau magnifique, qui n'est point là. « Oh, dis-moi, que vois-tu ? » Écoute, à midi, au cœur des contrées torrides où grandissent les palétuviers, qui demandent leur force au sel de la mer, d'impénétrables palais dorment étouffés dans la chaleur, des femmes nues sont assoupies, et la fumée des aromates vient exalter leurs songes. Le tigre est allongé dans les bambous, les caïmans ont clos leurs paupières rugueuses, et les rossignols mélodieux se taisent, tandis que les najats diaboliques sont embusqués dans les rizières. La torpeur s'étend sur les mosaïques précieuses, s'insinue aux plis des velours, sur les fourreaux des armes empoisonnées, et le crime attend la fraîcheur du soir, comme ces étranges calices qui n'ouvrent qu'à la nuit l'énigme de leurs lèvres peintes. Toute la nature, qu'un implacable soleil fait penteler, n'a plus qu'un souffle. Elle sommeille pour retrouver, dans un étirement farouche, la force de bondir encore, meurtrière, assoiffée de vie ardente, et de se ruer vers les combats, la luxure et la mort. Et moi, je voudrais être là-bas, à regarder ce midi fascinant, comme on regarde une panthère noire au fond des yeux, pour faire entrer en soi, jusqu'au talon, la terreur et la volupté. Le platane murmure, tes paroles me réchauffent, tu n'as point de racines dans le sol, que ne vas-tu vers ces heures embrasées qui t'attirent ? Je me tais, l'arbre pensif ajoute, moi, je me pénètre une fois de plus de l'effroyable tristesse du moment. La grande lumière me fait un mal inouï, tout le mensonge de la vie est là, dans cette heure qui frappe l'air 12 fois, et paraît joyeuse et semble suspendre le jour, mais ne reparaîtra jamais, jamais. C'est une main superbe qui se lève, promet un riche présent et retombe, vide et trompeuse, sur une déception, et les heures d'après qui décroissent sont plus pesantes jusqu'à l'effacement du soir. Midi, c'est l'annonce d'une fête imaginaire, c'est le pan qui fait la roue et s'éclipse, c'est le jaillissement bref du jet d'eau dont les gouttes scintillent un instant au sommet et s'écrasent, ternes et grises, mêlées à l'eau grise. Midi, c'est la jeunesse flambante, l'illusion. Le platane se tue, je mis ma tempe contre l'écorce pâle, mais partout les aiguilles sur les cadrans tournaient, bientôt des hommes parurent, je m'en allais.